Chapitre 6e. Hortense hérita de tous les biens de son père, et Garcin prit naturellement la direction de la ferme. Aussitôt, il engagea deux valets et une fille de ferme pour aider son épouse au ménage et pour le soin des bêtes. Rapidement, la bonne gestion et l'exploitation judicieuse des terres produisirent leurs fruits. Garcin mettait en pratique tout ce qu'il avait appris durant son passage dans l'armée. Il put bientôt acquérir une batteuse mécanique qu'il prêtait volontiers à ses voisins en échange de coups de main aux périodes de pleine récolte. Il acquit une réputation d'agriculteur avisé et performant, ainsi qu'une bonne notoriété dans tout le pays. Il se mit à acheter des terres, des bâtiments, Hortense le poussant et l'encourageant dans ses projets. La Boucharrière perdit son aura maléfique et devint un endroit fréquentable. Pendant les récoltes d'été, la cour résonnait des appels des hommes qui travaillaient dur et buvaient sec. L'hiver, des courageux se rendirent aux veillées lorsque la neige étreignait la campagne de ses doigts glacés. Pour ne pas repartir dans la nuit, on s'endormait près du feu sur des couvertures ou sur les tables, après force calembour et galéjade. On s'amusait d'un rien, le ronflement d'un ancien, le paix d'un autre, on se faisait peur avec des bêtises, on faisait semblant d'entendre des bruits. Ces gens isolés apprenaient ainsi à se connaître et à vivre ensemble. C'est dans ces veillées qu'on sentait vraiment la solidité des murs de la ferme, étouffant les mugissements du vent. On se sentait au chaud, bien à l'abri. Le souvenir du massacre de la Boucharrière était bien loin. Il y eut pourtant une ombre dans ce beau tableau. Hortense n'eut pas d'enfant, et pour se consoler, se consacra entièrement à la gestion du domaine, prenant à sa charge certaines affaires qu'elle traitait de bout en bout. Leur fortune ne fit que prospérer régulièrement, et Garcin devint peu à peu marchand de biens, vendant des terres ici en achetant d'autres ailleurs. Il finit par remettre l'exploitation à un régisseur. Hortense prit de plus en plus d'initiatives et réussit, elle aussi, quelques jolis coups qui firent d'elle une femme respectée, enviée, crainte par ceux qui avaient affaire à elle. En quelques années, la réputation du couple s'étendit bien au-delà des limites du canton. À Manosque, à Sisteron, à Digne et même à Aix et à Marseille, les Garcins faisaient désormais partie des fortunes avec lesquelles on devait compter. Les relations entre les deux époux avaient bien évidemment évolué. C'était à croire qu'un secret scellait leur union et les maintenait enchaînés l'un à l'autre plus sûrement qu'un amour ardent. Comme deux chevaux robustes tirant un même attelage, chacun voulait montrer à l'autre sa supériorité et leur activité devint le prétexte d'une compétition farouche dont le but était de remporter le plus de profit. Pour ne plus côtoyer ceux qui les avaient vus débuter à Fort-Calquier, ils décidèrent d'aller habiter une grande ville. Manosque était trop près, Marseille trop grande et trop cosmopolite, Aix leur plut, avec son cours ombragé et sa vie paisible. Dans le quartier Mazarin, ils acquirent à bon prix un petit hôtel qui avait appartenu à un noble complètement ruiné. Les Garcins furent surpris par la tranquillité du quartier et par le charmant petit jardin situé sur l'arrière. On pouvait y remiser une voiture et son cheval. Finalement, c'était le charme et le calme de la campagne en pleine ville. Toutefois, l'immeuble réclamait des travaux de rénovation sur lesquels on ne lésina pas. Quand tout fut prêt, ils emménagèrent et partirent à la conquête de la bonne société aixoise. D'emblée, leur train de vie et l'importance de leur domesticité, choisis parmi les gens de la terre, leur assurèrent une place de choix. Ils n'eurent aucun mal à regagner la réputation qu'ils avaient dans le pays de Fort-Calquier. Alors que jadis, Garcin faisait antichambre chez les notaires, c'était maintenant eux qui sollicitaient des rendez-vous pour lui présenter des affaires. Ils vendirent les terres des Basses-Alpes pour en acheter d'autres, plus proches, tout le long de la Durance au nord d'Aix. Là, d'être sans arrêt en compétition avec son épouse, Garcin se choisit une activité dans laquelle elle ne pouvait le suivre. Il commença à faire de la politique et se mit en tête de devenir député. Quant à Hortense, en réaction, elle prit des cours de chant et tous ses proches, son mari le premier, furent étonnés de ses dons indéniables. Elle avait une voix et du coffre, à n'en pas douter. Malheureusement, les activités qui devaient les éloigner les enchaînèrent à nouveau. En effet, Garcin, pour sa campagne, fut obligé de donner des réceptions réglées bien évidemment par Hortense. Il fut bien heureux lorsque le cercle d'amis de son épouse lui demandait de chanter, de créer de nouveaux liens avec des électeurs potentiels. Chacun sait que les potins et la calomnie sont un des rares plaisirs de la société de province, mais personne ne trouvait matière à médire sur leur compte. On aurait pu raconter n'importe quelle vilenie, mais cela n'aurait pas respecté la règle du jeu. Il faut un point d'accroche solide, un filet de fumée pour inventer des histoires qui tiennent debout. Bien au contraire, les garçins étaient soit complètement transparents, soit détenteurs d'un secret tellement lourd qu'il en était impénétrable. À l'office, les langues allaient bon train. « Vous croyez qu'il a une maîtresse ?» demandait la servante. « Je suis certain que non, » affirmait César, le majordome. « Il me raconte tout pour me demander mon avis. S'il avait une poule, il m'en aurait parlé. » « En tout cas, madame n'a pas d'amant, » rétorqua la gouvernante. « Ou alors, je me demande bien où elle le rencontre. Elle ne sait pas faire un pas dehors sans me traîner derrière elle, au point qu'elle m'épuise. » La cuisinière résuma l'opinion générale. « Moi, je crois que s'ils nous cachent quelque chose, eh bien, ils sont très forts. » Garcin ne faisait pas mystère de ses opinions républicaines, allant plus ou moins à l'encontre de son milieu social, qui donnait volontiers dans le royalisme ou le bonapartisme. Ayant la réputation d'un homme ouvert, tolérant et non sectaire, on lui pardonnait volontiers cet écart, le mettant sur le compte d'un idéalisme de façade. Il ne cachait tout de même pas que, s'il était élu, il siégerait sur les bancs de la gauche. Pour se démarquer un peu plus de son épouse, il se fit initier à la loge Le Maillet écossais, qui se réunissait hors les murs, cour de la Trinité. Voilà une activité dans laquelle elle ne pouvait mettre son nez. Auprès de sa femme, se retranchant derrière le sceau du secret, Garcin ne laissa rien filtrer de son initiation. La loge était composée de commerçants, d'enseignants, d'artisans et même d'ouvriers, tous corps sociaux dont la fréquentation élargissait le panel d'électeurs potentiels de Garcin. Le dimanche, quelquefois, les frères se réunissaient avec leurs épouses dans le petit jardin attenant au local pour des pique-niques champêtres. Garcin fut bien obligé de céder aux souhaits de ses frères et d'y amener son épouse. Là encore, Hortense fit sensation. L'une des épouses connaissait ses talents de chanteuse. Deux frères jouaient du violon, un troisième du violoncelle, et tout naturellement, on organisa de petits concerts bucoliques sans prétention dans lesquels Hortense tenait la vedette. On la réclamait à chaque fois, et Garcin, encore une fois, vit son activité étroitement liée à celle de sa femme.